Livre 5e. Notice historique sur la vaccine. Origine. Propagation. Procédé employé pour la maintenir jusqu'à nos jours. Nous avons montré la dégénérescence de l'espèce humaine, nous avons signalé la cause unique de ce désastre, le vaccin. Or, nos contemporains croient au vaccin parce qu'il est adopté, ils ne songent pas à l'examiner, ils n'ont pas l'idée de se rendre compte de son action, parce qu'ils pensent que le travail a dû être fait consciencieusement. Lorsque la question a été posée pour la première fois, ils pensent qu'on ne s'est décidé à soumettre tout le monde, de gré ou de force, à une inoculation toute nouvelle, qu'après une étude sérieuse du virus et de son mode d'action. Qu'après une longue et scrupuleuse expérimentation, ils pensent que lorsque toute une génération s'est emparée de la découverte, elle avait des raisons d'enthousiasme. Nous devons donc raconter, pour l'édification générale, comment la vaccine a été inventée, comment on s'y est laissé prendre, dire les manœuvres qui furent employées, d'abord pour accréditer la découverte, puis pour la maintenir, quand bientôt la plus triste expérience va en montrer au moins clairvoyant l'inefficacité. Nous devons montrer la mauvaise foi presque dès le début, puis plus tard, quand des révélations infiniment plus graves vinrent accuser le vaccin, non plus seulement d'inefficacité, mais de conséquences terribles que l'art médical ne savait pas conjurer, le parti pris, la sourde oreille et le silence opiniâtre. Nous devons dire tout cela pour faire comprendre comment il se fait qu'aujourd'hui la vaccine s'appuie sur l'académie, sur la loi, mieux encore sur l'usage universel. Nous allons remonter à l'origine de cette invention pour en suivre les progrès et les accidents jusqu'à nos jours. Les commencements sont fort séduisants, Jenné est alors de bonne foi, il a recueilli un certain nombre d'observations d'un caractère évidemment remarquable, qu'il rapporte avec une sage réserve. Jenné, au début, parle avec la prudence de l'observateur sérieux, il se présente avec les meilleures apparences, il a la modestie du vrai savant, la simplicité du génie. En parcourant, dit-il, la campagne de Berkeley pour y répandre l'inoculation de la variole, dont j'étais zélé partisan, je ne fus pas peu surpris de rencontrer un certain nombre de sujets sur qui l'opération échouait toujours, quelques précautions que je prise pour la faire réussir. Cette observation ne cessait de se représenter, je dus en chercher la cause. Je manquis des conditions dans lesquelles vivaient les sujets rebelles, et je reconnus qu'ils étaient tous employés dans les fermes à traire les vaches. Il constata que ces sujets avaient contracté auparavant une maladie naturelle à la vache connue sous le nom de copox, et conclut que le copox préserve de la petite vérole. Tel est le point de départ. Jenné ne prit pourtant pas le copox sur l'animal pour pratiquer sa première expérience, mais sur les mains d'une femme nommée Sarah Nelm, qui avait contracté l'affection en trayant les vaches. À ce propos, Jenné expose les phénomènes produits par l'inoculation accidentelle du copox dans le cas de contact direct de l'homme avec la vache. Ce sont d'abord, dit-il, de petits points rouges comparables aux petites ampoules que produit la brûlure, et qui arrivent bientôt à l'état de suppuration. Le plus communément, les taches arrivent sur les articulations des doigts, ainsi qu'à leurs extrémités, mais quelles que soient les parties affectées, ces suppurations superficielles ont une forme circulaire dont le bord est plus relevé que le centre, et d'une teinte un peu bleuâtre. L'absorption a lieu alors, et il se manifeste des tumeurs sous les aisselles, le système est affecté, le pouls devient plus vif, le malade éprouve alternativement des frissons et de la chaleur, qui sont accompagnés d'une lassitude générale, et de douleurs dans les lombes et dans les membres, de maux de tête et de vomissements, le malade tombe même dans le délire. Ces symptômes, qui varient dans leur degré de violence depuis un jour jusqu'à trois ou quatre, laissent ensuite sur les mains des ulcères qui, par la sensibilité des parties qu'ils occupent, sont très douloureux, lents à guérir et deviennent souvent phagédéniques. Ces symptômes cependant n'effrayèrent pas Jenné, car il prit du virus sur les mains de cette femme, et vaccina un premier enfant, puis, quelque temps après, pour s'assurer de l'efficacité de l'opération, il tenta une contre-épreuve, il inocula à cet enfant le virus de la petite vérole et aucune pustule variolique ne parut, aucun symptôme fébrile ne se manifesta. Il continua son expérimentation pendant deux ans, et enfin, en 1798, il publia sa découverte. Dans ce premier travail, Jenné parle d'un ton modeste, nous l'avons dit, et s'il insiste sur la vertu antivariolique du copox, il n'expose sa doctrine qu'avec cette prudence qu'exige la nouveauté de l'assertion. Il la soumet au jugement de ses confrères, telle qu'elle ressort des recherches qu'il avait pu faire jusqu'à cette époque. Du reste, il s'avoue plutôt naturaliste que médecin, Jenné n'avait jusqu'alors publié que quelques brochures sur l'ornithologie, il s'occupait particulièrement d'histoire naturelle, et à ce titre avait dû faire avec le capitaine Coe et Sir John Banks le voyage autour du monde. Et s'appuie bien plus sur la croyance généralement répandue dans la population pastorale de son pays que sur les quelques observations qu'il a pu recueillir. D'abord, comme il est d'usage en pareille occurrence, Jenné fut traité de fou, d'empirique, mais quand l'authenticité de ses observations fut reconnue, comme il est d'usage aussi, on lui disputa la priorité de la découverte. Le docteur Pearson, dont les travaux sur le vaccin datent à peu près de la même époque, formula contre lui une accusation qu'il renouvela publiquement depuis dans un ouvrage intitulé « En examination of the report, of the committee of those of common, on the claim of remuneration for, the vaccine pox inoculation. » London, 1802. Il explique que la vaccine était connue dans la science bien avant les expériences de Jenner. Il cite entre autres un chirurgien de Shaftesbury, du nom de Nash, mort en 1785, qui a laissé un manuscrit dont les dernières observations paraissent recueillies en 1781. Non seulement dans ce manuscrit le fait des propriétés spéciales du Copox est exposé, mais on y trouve encore tout le système théorique et pratique de la vaccine, en un mot, la doctrine complète. Pour nous, cette question est insignifiante, elle pouvait intéresser vivement alors la Chambre des communes, qui votait une récompense nationale de 500 000 francs à l'inventeur de la vaccine. Pour nous, Nash ou Jenner, qu'importe? Toujours est-il que l'accusation fit du bruit, mais le nom de Jenner était accepté, l'opinion publique l'en passa à outre. Maître du terrain sur ce point, Jenner eut à lutter contre des envieux, détracteurs de principes, antagonistes aveugles, et aussi contre quelques critiques sérieuses. Avant tout, il encourut un reproche grave, que nous avons déjà relevé et sur lequel nous devons insister sévèrement, car il peut faire révoquer en doute la conviction de l'inventeur, la bonne foi et la conscience du médecin. C'est que cette année même 1798, où il venait de faire dans un livre, en inquirianto de cause and effect, of the variola vaccina copox. 1798, in 4, l'apologie sans réserve du vaccin, il eut un second fils du nom de Robert, qu'il ne vaccina pas et auquel il inocula lui-même la petite vérole à Cheltenham. Hâtons-nous de le dire, son fils aîné avait été vacciné, le virus dont Jenner s'était servi, avait été pris sur un porc, swinpox. Or, de deux choses l'une, ou la première vaccination avait réussi, alors pourquoi n'y pas revenir, ou bien il n'avait pas eu à s'en louer, dans ce cas, que penser de l'apologie développée dans la célèbre publication? Pris dans cette triste alternative, Jenner laisse, à nos yeux, sa sincérité et surtout ses droits à la confiance qu'il sut pourtant inspirer à ses contemporains et aux générations futures. Parmi les objections que l'on souleva en 1801 contre la vaccine, il en est une sinon complètement juste, au moins un forçage en général, et à laquelle le temps, du reste, a donné sur quelques points le caractère d'une prophétie. La vaccine, dites-vous, répondait-on à Jenner, préserve de la petite vérole, mais pouvez-vous assurer que cet effet préservatif servira pour toute la vie, puisque vous ne connaissez la vaccine que depuis quelques années? Pouvez-vous me répondre aussi que cette maladie n'introduise pas, dans l'organisme des dispositions à des maladies graves, que le sang ne soit pas altéré, corrompu par le germe des affections maladives des personnes sur lesquelles vous puisez le virus vaccin, et qu'enfin, puisque nous portons en nous le germe de la petite vérole, le développement de ce germe ne soit pas nécessaire à l'entretien ultérieur de la santé, et capable de préserver de plusieurs maladies dépuratoires. L'auteur de ces objections arrivait là, guidé par les véritables préceptes de l'art de guérir, il y eût été amené par le simple bon sens. À ces arguments, les vaccinateurs ne répondaient pas, et lorsqu'on leur demandait comment un simple bouton, une si petite cause peut-elle produire un si grand effet, comment la vaccine, la simple insertion de quelques gouttes de pus, peut-elle préserver de cette énorme fermentation, et de cette abondante élimination de la petite vérole? Ils répondaient que c'est un phénomène enveloppé d'un voile mystérieux, ou tout simplement que c'est par la vertu spéciale du vaccin, opium faci dormir qui a été ino virtu normitiva. Bientôt, du reste, les cas de variole affectant des sujets vaccinés vinrent un moment compromettre la brillante découverte, et en 1800 déjà le docteur Hufflan, entre autres, déclarait, d'après de nombreuses observations, ce fait qui fut admis seulement 20 ans plus tard, à savoir que le vaccin n'a qu'une action temporaire. Alors, comme nous l'avons vu, Jenner ne s'égarait pas en affirmation absolue, il admettait que la vaccine pouvait faillir, il comparait même sous ce rapport, la vaccine à la variole qui permet des récidives. Il racontait naïvement un cas de variole bénigne survenu chez une fille nommée Elizabeth Sarsenet, de Nellou Park, qui avait contracté le copox par hasard. Il publie encore en 1799 une observation de variole sur un sujet vacciné, furetée observation de variola vaccina, or copox. London, 1799, il dit sans songer même à contester, le docteur Ingenus me fait savoir, qu'un fermier près de l'Aisne a contracté pourtant la vraie variole après avoir eu le copox. En rendant compte de ce fait, générant justice au savoir et au caractère du docteur Ingenus, qu'il déclare un savant respectable à juste titre, il dit que ce dernier pratiqua lui-même la vaccine, et en était zélé partisan, il accepte donc sans restriction son témoignage. Il va jusqu'à citer dans cette même publication bien d'autres cas de variole sur des sujets vaccinés. À ce moment encore il est sincère. Mais bientôt il fut emporté par l'enthousiasme général, l'admiration, la foi universelle, lui montèrent à la tête, et ses dernières publications portent l'empreinte d'une assurance qu'il n'avait pas au début, et que pourtant l'expérience de chaque jour, aurait dû tout au contraire sinon confondre, au moins singulièrement atténuer. Vainement les journaux et les revues, publièrent des cas nombreux d'inefficacité du vaccin. Jenner avait un parti pris, et dès lors, comme on fit plus tard, il commença à déclarer qu'un grand nombre de ces cas devaient être la conséquence d'une fausse vaccine, c'est-à-dire d'une vaccine dont le développement avait été incomplet ou le virus mal choisi. Il publia cette opinion dans une nouvelle brochure, rendit ainsi la foi au monde médical, et raffermit la confiance générale un moment ébranlée. Jenner n'était pas seul à défendre et à propager, bientôt, entre autres, Woodville, médecin de l'hôpital d'inoculation à Londres, et Pearson voulurent répéter les expériences de vaccination. Woodville trouva à Londres le coupox sur les vaches d'une laiterie, il en vit même des pustules sur les mains des filles attachées à cet établissement. Il prit le virus de la pustule qu'une fille déjà variolée dans sa jeunesse portait sur les bras, le vaccin fut efficace. Woodville tentait les vaccinations sur une vaste échelle, et publia le résultat de ses expériences en 1799. Ce sont de véritables recherches, il inocula sur 28 individus du vaccin mêlé de puces variolique, et obtint tantôt une simple vaccine, tantôt une maladie semblable à la petite vérole, mais bénigne et plutôt locale. Il essaya aussi de vacciner des sujets déjà variolés, et le vaccin réussit parfaitement. Ces publications, arrivant en même temps que celles de Jenner ou les suivants de très près, produisirent beaucoup d'effets et entraînèrent la majorité des médecins. Le corps médical, officiellement, se prononça en faveur de la nouvelle invention. L'opinion publique suivit sans hésitation, le Parlement, emporté dans le mouvement universel, décerna à l'inventeur une récompense nationale. La vaccine était adoptée. Pourtant, les observations, les brochures, les livres, les interprétations contradictoires, ne cessaient de se produire avec le caractère le plus sérieux. Il ne s'agissait plus comme dans le principe de discussion théorique, sans autre raison d'être que des probabilités, on racontait des faits et l'on commençait déjà, sur une assez vaste échelle à combattre par l'expérience, un système si légèrement adopté par l'engouement. Le docteur Godson, entre autres, publia une brochure qui eut quelques retentissements. Il avait recueilli et commenté un assez grand nombre d'observations de variole sur des sujets vaccinés, et en réalité les conclusions devaient sembler peu favorables à la nouvelle découverte. Alors, pour combattre l'effet fâcheux de ces accusations, les médecins de l'établissement de vaccination de Pearson se livrèrent à une série d'expériences, qu'ils déclarèrent péremptoires. Ils inoculèrent le virus variolique à 60 sujets vaccinés, la variole ne se déclara chez aucun d'eux, ils firent grand bruit de ce résultat, et la réputation du vaccin sembla rétablie. L'année suivante il y eut une épidémie de variole en Angleterre, et si la plupart des vaccinés échappèrent à la contagion, il y eut toutefois assez d'exceptions authentiques pour porter un nouveau coup à la propagation du coupox. Une commission composée de 25 membres de la société jennerienne, fit une enquête sur cette épidémie, et déjà les conclusions du rapport, admettent la faillibilité de la vaccine. Vers la même époque, il y eut des faits de variole après vaccine observés dans l'institut même de vaccination de Pearson, les médecins de l'établissement furent donc forcés d'accepter eux aussi les conclusions de la société jennerienne, bien que quelques-uns d'entre eux eussent préféré, pour l'honneur du vaccin, taxer d'erreur les rapports de cette société. Bientôt de nouveaux cas de variole, après des vaccinations dont la marche avait été bien constatée, apparurent encore à l'institut. Il fallut cette fois en convenir, on ne savait pas bien ni encore. En 1800, Pearson publia un nouveau mémoire dans lequel il convient de l'inefficacité du vaccin contre la variole, chez certains sujets. Mais la vaccine était adoptée. En dépit de l'évidence, en dépit de l'opposition raisonnée d'un grand nombre d'hommes du plus grand mérite, on continua aveuglément et l'on tenta dès lors de faire des prosélytes à l'étranger. Le mouvement commença en France, à l'Institut, à l'École de médecine de Paris, à la Société de médecine du Louvre, on nomma des commissaires pour constater l'exactitude des faits avancés par les médecins anglais, et annoncés dans la bibliothèque britannique. Il y eut trois expériences dont on publia le détail, elles sont sans conclusion sérieuse. Mais dans le courant de la même année, M. de La Rochefoucauld-Liancourt avait eu occasion d'assister aux vaccinations en Angleterre, il s'enthousiasma pour l'idée. Animé du zèle le plus louable, il crut trouver là l'occasion de rendre un service à son pays, et, de retour en France, il proposa immédiatement une souscription pour la propagation du vaccin, à son nom, vinrent se joindre d'autres noms importants, et la souscription fut très rapidement couverte. On publia à grand bruit cette liste. Les premiers souscripteurs étaient presque tous des personnages sérieux, on mit immédiatement en quelque sorte, le vaccin sous leur garantie, on les annonça comme on annonce aujourd'hui les membres de ces conseils de surveillance, qui patronnent plus ou moins volontairement les sociétés anonymes ou en commandite. Là pourtant tout le monde était de la meilleure foi. Monsieur de La Rochefoucauld, enthousiaste du vaccin et du procédé de souscription, qu'il avait en même temps emprunté aux Anglais, faisait une propagande active, tous les jours on publiait une nouvelle liste. Voici celle qui a été publiée la première. Le citoyen Lebrun, consul. Le citoyen Lucien Bonaparte, sénateur. Le citoyen Castellane, ex-constituant. Le citoyen Talleyrand, ministre des Relations extérieures. Le citoyen Grillon aîné, ex-constituant. Le citoyen Grillon jeune, ex-constituant. Le citoyen Fouché, ex-sénateur. Le citoyen de l'Essert, banquier. Le citoyen Valmy, sénateur. Le citoyen Rodré, sénateur. Le citoyen Touret, tribun, directeur de l'école de médecine. Le citoyen Sainte-Foy. Le citoyen Frochot, préfet de la Seine. Le citoyen Collard. Le citoyen Rastmopa. Le citoyen Pinel, de l'Institut National. Le citoyen Salmade, médecin. Le citoyen Mongenot, médecin. Le citoyen Gigi. Leroux, médecin. Le citoyen Guillotin, médecin, ex-constituant. Le citoyen Husson, médecin. Le citoyen Lherminier, médecin. Le citoyen Su, médecin de l'hôpital de la garde consulaire. Le citoyen C, tribun. Le citoyen Félix Siret. Le citoyen Nottinguet. Le citoyen Lastari. Le citoyen Vieille-Castel. Le citoyen Delettre, préfet de Ré-Loire. Le citoyen Cousin, sénateur. Le citoyen d'Autrive. Madame de La Rochefoucauld. Madame de Poix. Madame de Montesson. Le citoyen Carnot, tribun. Monsieur Sandeau, ministre de S. Monsieur le roi de Prusse. Le citoyen La Rochefoucauld-Liancourt, ex-constituant. Le citoyen Fourcroy, conseiller d'État. Le citoyen Girardin, tribun. Le citoyen Mathieu Montmorency, ex-constituant. Le citoyen Le Couteux de Chanteleu. Le citoyen Lusignan, ex-constituant. Le citoyen Murer, président du tribunal de cassation. Le citoyen Cabani. Le citoyen Emery, conseiller d'État. Le citoyen Maref, secrétaire d'État. Le citoyen Duquesnoy, maire du 2e arrondissement. Le citoyen Parfait, du Conseil de Santé. Le citoyen Gros. Le citoyen Davillère, etc., etc. On conçoit l'effet que durent produire dans le public ces noms imposants. En réalité, la plupart représentaient des souscripteurs bénévoles. Pour tout le monde, ils furent des patrons éclairés de la nouvelle inoculation, et bientôt la sécurité entraîna l'enthousiasme général. Les souscripteurs tinrent une assemblée le 21 Floréal, en neuf, à l'école de médecine. Ils nommèrent un comité composé de Pinel, Leroux, Guillotin, Mongenot, Doussin Dubreuil, Salmade, Parfait, inspecteur des hôpitaux, et enfin Touret, directeur de l'école de médecine de Paris. En thermidor déjà, Touret publia quelques-uns des résultats donnés par les expériences du comité, résultats insignifiants d'abord. Mais dès l'année suivante, le comité commença à fonctionner avec un zèle extrême, et ses travaux sont constatés par deux rapports importants. Ces deux rapports, publiés au Moniteur, eurent une influence énorme, ils furent traduits en allemand et entraînèrent sur quelques points de l'Allemagne, l'adoption immédiate de la vaccine. Pourtant ils sont peu concluants, ils annoncent simplement des faits d'inoculation du virus vaccin, et comme contre-épreuve un petit nombre d'inoculations de variole échouant sur des sujets vaccinés. Le vaccin était expédié de Londres par les membres de l'Institut, formés spécialement pour cette inoculation. Péarçon, Niel et les fonctionnaires publics, le ministre des Relations extérieures, le préfet de la Seine, le commissaire de la République en Angleterre, Talleyrand, Frochot, Otto s'empressaient et comme magistrat, et comme philanthrope d'aider et de protéger ces opérations. Il s'établit bientôt entre les vaccinateurs de Londres et ceux de Paris des relations plus intimes. Le docteur Aubert fut envoyé en Angleterre par les deux commissions de l'Institut et de l'école de médecine, auprès de Vaudeville, qui dirigeait l'hôpital de vaccination à Londres. Bientôt Vaudeville vint à Paris apporter du vaccin, et éclairer lui-même sur cette inoculation les médecins français. Nous n'avons pas besoin d'exposer en détail le mode d'inoculation qu'il enseigna, tout le monde aujourd'hui s'est vacciné. Rien n'est malheureusement plus commun que cette opération, et d'ailleurs elle est de la plus grande simplicité, elle consiste simplement à introduire sous l'épiderme, à la profondeur d'une demi-ligne, la pointe d'une lancette chargée de virus. Vaudeville et les propagateurs ont cru longtemps que l'insertion du virus ne devait pas dépasser la profondeur d'une demi-ligne sans inconvénient pour le succès de l'inoculation. Ils pensaient que si la piqûre allait jusqu'au sang, le mélange des deux liquides pouvait arrêter le développement de la vaccine. Monsieur Bousquet nous a appris le contraire, en effet, raconte-t-il, un jour que je vaccinais un enfant, quelqu'un passe derrière moi et me pousse le bras, la lancette pénètre jusqu'à 1000 lames dans les chairs, et le sang coule en abondance. Que pense-t-on qu'il advint? Selon les auteurs, cette piqûre ne devait pas réussir, et cependant elle ne s'en couvrit pas moins d'un superbe bouton comme les autres, et même plus beau que les autres. Cette observation, dit Monsieur Bousquet, nous paraît tout à fait concluante. Elle est une preuve de plus de la facilité avec laquelle le virus vaccin est absorbé. Cette absorption en effet est tellement prompte, tellement subtile, que l'on a toujours échoué toutes les fois que des expériences ont été faites pour en arrêter le cours. Ainsi on fit à plusieurs reprises des applications de ventouse sur les points inoculés immédiatement, après que l'insertion du virus venait d'être faite, on pratiqua des lotions avec des solutions du sel ammoniac, d'hydrochlorate de soude, de chlorure de sodium. Et aucun de ces moyens ne put empêcher les pustules de se développer. Sous la direction, ou plutôt sous l'impulsion du grand propagateur anglais, les expériences se multiplièrent, et sur un rapport enthousiaste du comité, le préfet de la Seine-Frochot décida la formation d'un établissement de vaccination pour les familles indigentes. Le comité fut même chargé de désigner le local qui lui paraîtrait le plus convenable. Il choisit la maison du Saint-Esprit, près l'hôtel de ville, et par arrêté du préfet, en date du 19 pluvieux en 9, on forma un hospice d'inoculation du vaccin à la disposition et sous la surveillance du comité. Cet hospice fut bientôt un centre d'enseignement pour l'inoculation du vaccin où vinrent étudier les médecins de province. Pour ceux qui ne pouvaient faire le voyage, il s'établit une correspondance très active, et des envois réguliers du fluide vaccin avec des instructions détaillées. Le mouvement s'étendit à toute la France, il se forma un grand nombre de comités dans les départements, les médecins de Reims donnèrent les premiers l'exemple, bientôt les médecins de Bordeaux suivent, à Issoudun, les autorités patronnent la formation d'un comité médical, à Nantes, à Chartres, à Abbeville, l'enthousiasme est le même, les médecins de Marseille donnent l'éveil dans le Midi, l'école de Montpellier soumet. Dans sa clinique même, un certain nombre d'enfants a des essais suivis. En quelques mois, la mode est générale, les préfets encouragent, les départements retardataires sont mis en demeure par les conseils généraux, l'autorité militaire ne veut pas rester en arrière, les généraux commandant les divisions mettent à l'ordre du jour les propositions des médecins, qui demandent à vacciner gratuitement les régiments tout entiers. Le ministre de la Marine s'occupe même de faire parvenir du vaccin aux Indes, avec instructions et recommandations officielles, les médecins étrangers accouraient à Paris, le comité envoyait du vaccin dans tous les pays, sous tous les climats. Charles IV, roi d'Espagne, à la même époque faisait exécuter, sous la direction de Don Evdis Balmy, son chirurgien extraordinaire, un voyage autour du monde, et cela seulement pour faire jouir des avantages de la vaccine tous ses sujets d'outre-mer. Il est vraiment curieux de suivre dans ses détails cet entraînement général, qui passe à y réfléchir à côté de toutes les objections, méprise à toute prudence. Cela était si séduisant, on avait tant envie de croire, et ses patronages si légèrement accordés étaient pour tous si imposants. Tout le monde était heureux, ravi, on sauvait l'humanité, on s'enivrait de philanthropie. On se dépêchait d'accepter la découverte, on ne voulait point entendre formuler des accusations de barbarie et d'ignorance, on se rappelait les sottes diatribes publiées 50 ans auparavant, contre l'inoculation de la petite vérole, les obstacles grotesques et longtemps insurmontables qu'on lui avait opposés, on se rappelait les violences de toutes sortes, auxquelles s'étaient laissé aller la magistrature et les facultés de théologie et de médecine, violence aveugle qu'on avait regrettée amèrement, et dont on comprenait trop bien alors l'absurdité et le ridicule. Faits qu'on trouvait, faux témoignages, accidents supposés, tout avait été mis en œuvre, on avait même tourné la tête à de dignes prêtres, qui trouvaient des précédents à l'inoculation dans l'histoire de Satan, « c'est une invention du diable », avait crié en chair le curé Masset, « cela est si vrai, que Satan a autrefois greffé sur Job, la petite vérole confluente ». Les médecins allaient chercher moins loin les invectives. La faculté avait déclaré l'inoculation de la variole une pratique criminelle, meurtrière et magique, les inoculateurs étaient simplement des bourreaux et des imposteurs, les inoculés des dupés des imbéciles. Enfin la condamine avait arraché à grand-peine un décret de la Sorbonne, et avait obtenu de la faculté de médecine, la tolérance de l'inoculation. Depuis, les bienfaits évidents, incontestables du préservatif, avaient ouvert les yeux sur le sot caractère de cette résistance. On avait blâmé l'indifférence du gouvernement. C'était une leçon dont on avait raison de se souvenir en 1800, mais dont on exagéra l'enseignement. D'ailleurs, alors, le progrès était à la mode, le progrès à tout prix, le progrès et la philanthropie, la société n'avait pas d'autre passion, le vaccin fut un aliment à ce goût, qui n'était peut-être pas très sincère, et en repentir d'avoir injustement et toujours, sans réflexion ou ni l'inoculation de la variole, aussi injustement, et toujours sans réflexion, tout le monde chanta le vaccin. Ainsi, de tous les fanatiques du vaccin, un seul avait réfléchi, s'est gêné, et il n'était pas de bonne foi, puisqu'il avait inoculé prudemment la variole à son second enfant. Lui seul, disons-nous, avait réfléchi, les autres n'y songeaient point, ils étaient à la mode, ils faisaient du progrès et de la philanthropie. Dès lors on se mit généralement à vacciner sans discussion, tout aussi invariablement que si on vaccinait depuis la création. On avait été si vite que lorsque vint l'expérience, qui seule devait diriger l'opinion sur l'emploi de ce moyen, il était trop tard, la conviction était déjà faite, on avait imprudemment cru avant de voir, et, lorsque vint le véritable moment de juger, il n'était plus question d'apprécier une découverte, mais de faire le siège d'une idée reçue, qui, officiellement accréditée, dédaignait déjà ses blasphémateurs. Pourtant bientôt les faits d'inefficacité du vaccin, déjà avoués dès le principe par Genet, commencèrent à se multiplier d'une façon menaçante. Longtemps on se refusa à les admettre, quoiqu'ils eussent pour garant des hommes respectables et impartiaux, dont le témoignage devait faire foi dans la science. On les attribua à une fausse vaccine. C'était, comme on le sait, la seconde manière de gêner. Ce procédé de défense réussit pendant quelque temps en France, où particulièrement la résistance fut plus opiniâtre que partout ailleurs, mais, dans la suite, les faits, devenant plus nombreux, parlèrent plus haut que toutes les dénégations. Il y eut à Londres, en 1805, une épidémie de petite vérole dans laquelle une assez grande quantité de sujets vaccinés furent atteints. La Société de Vaccine de Londres, dite Société Jennerienne, dut s'en émouvoir. Elle publia sur cette épidémie un long article dans le cahier de février 1806 du Monthly Magazine. La Société Jennerienne avoue la production de la variole après vaccine, mais elle imagine de considérer ces cas comme des secondes de variole. Cependant, de toutes les parties de l'Angleterre, des établissements de vaccination d'Édimbourg, de Dublin, etc., les documents sur l'inefficacité du vaccin arrivent en foule et confondent par leur nombre les défenseurs du Copox. La situation était grave et préoccupa le Parlement, qui provoqua une ordonnance royale en vue de prescrire au Collège de médecine de Londres d'examiner la question et de faire un rapport. Ce rapport parut le 8 juillet 1807. Il est encore favorable à la vaccine. Les accidents néanmoins se multiplient partout en même temps. Cette même année, les médecins allemands et hollandais recueillirent et publièrent leurs premières observations de variole sur des sujets bien vaccinés. En 1809, le Danemark, où la vaccine avait été propagée d'office avec la plus grande sollicitude, éprouva aussi les premières atteintes d'épidémie variolique sur les individus vaccinés, et là ces observations furent recueillies, en assez grand nombre, sur des sujets dont le vaccin n'était pas douteux et la variole incontestable. En Suède, les observations du docteur Schultz, médecin du district d'Uppsala, et le professeur Gistrand de Stockholm, soulevèrent les premières contradictions, et surtout s'appuyèrent sur un nombre considérable de faits. L'Italie, qui selon l'affirmation du docteur Sacco de Milan, un des plus zélés partisans et propagateurs de la vaccine, n'offrait aucun accident de ce genre, subit bientôt le sort commun. En Angleterre, une épidémie variolique se déclara de nouveau, dans le cours des années 1817 et 1818. La variole, quelque temps comprimée par le vaccin, regagna le temps perdu. Les observations de variole sur des sujets vaccinés se produisirent en nombre considérable dans toutes les villes de la Grande-Bretagne, de l'Écosse et de l'Irlande. En France, les épidémies de variole prirent des proportions qu'elles n'avaient jamais eues avant le vaccin. Cela est facile à comprendre. Avant le vaccin, la variole se produisait régulièrement, d'une façon sporadique, comprimée par le vaccin pendant quelques années. Elle déborda bientôt en épidémie, et il fallut payer du même coup, et le présent et l'arriéré. La petite vérole prit dès lors le caractère d'une épidémie permanente, qui frappait indistinctement les sujets vaccinés ou non vaccinés. L'expérience venait partout après l'enthousiasme en montrer l'imprudence. Jusque-là, l'opinion publique s'était contentée des raisons suivantes. Un degré où la vaccine, lui disait-on, quoique pratiquée, n'a été suivie d'aucun développement, ou bien, l'opération a produit une vaccine faussée non préservative, ou bien, la variole a dû se déclarer dans le cours de la vaccine, ou bien encore, on a pris pour une petite vérole naturelle, une espèce d'éruption qui a bien quelques points de ressemblance avec elle, mais qui n'est qu'une fausse variole. Mais tout cela ne suffisait plus, le comité central ne pouvait nier plus longtemps ses mécomptes, et l'inquiétude publique demandait des explications nouvelles. Les épidémies se multipliaient par toute l'Europe, en Italie et dans le midi de la France, en Écosse, dans le Württemberg, partout. Il fallait répondre ou abandonner le vaccin. On ne pouvait plus nier, on imagina une autre manœuvre, on inventa la varioloïde. Le mot avait été écrit pour la première fois par Tonson, médecin écossais, qu'il employa à propos de l'épidémie d'Édimbourg, mais il n'y attachait point le sens que le terme a pris depuis. Il désignait ainsi seulement, entre la variole des vaccinés et celle des non-vaccinés, cette différence légère que nous avons indiquée dans la forme des pustules et des cicatrices. Mais en France alors on tira du mot un tout autre parti, nous avons raconté ce ridicule débat au chapitre de la variole. Voici, du reste, en quels termes M. Bousquet pose, lui-même la nouvelle théorie académique. Son point de départ est un aveu, il reconnaît enfin qu'on peut avoir la variole après avoir été vacciné, mais il établit bientôt que ces faits reconnus, authentiques ne portent aucune atteinte aux vertus toujours incontestables du vaccin. J'ai dit qu'on a disputé, pendant 1200 ans, pour savoir si on peut avoir deux fois la petite vérole. Il faut convenir que nous avons le jugement plus prompt. Il n'y a pas 50 ans que la vaccine est connue, il n'y en a pas 30 qu'on met en doute son inviolabilité, et déjà tout le monde sait à quoi s'en tenir. Il est juste de dire que la solution du premier problème avait préparé celle du second. Quand une fois il fut bien établi que la variole pouvait revenir plus grave que la première fois, on comprit qu'on aurait bien mauvaise grâce à accorder à la vaccine une puissance que la variole elle-même n'avait pas. Excepté quelques esprits immobiles, tout le monde convient aujourd'hui que la variole peut se montrer sur les vaccinés. Mais il y a variole et variole. Quelle est la variole des vaccinés? Est-elle semblable à celle des non-vaccinés? En est-elle différente? Question auxquelles il faut répondre. Si les vaccinés peuvent avoir une variole vraie, franche, en tout semblable à celle des non-vaccinés, cela n'est pas douteux, puisque les variolés eux-mêmes n'en sont pas exempts. Plus loin, M. Bousquet continue ainsi, la petite vérole des vaccinés ne ressemble qu'imparfaitement à la petite vérole des non-vaccinés. Comme l'inoculation, la vaccine a créé une variété de la petite vérole, variété tour à tour confondue avec la variole et avec la varicelle, suivant les idées des observateurs. Cette variété c'est la varioloïde, dont le trait caractéristique est la forme irrégulière des pustules, et le passage rapide et sans suppuration de l'éruption à la dessiccation. Cependant, dit M. Bousquet, page 384, si on nous adressait cette question, qu'est-ce que la varioloïde? Nous répondrions sans hésiter, la varioloïde, c'est la variole elle-même arrêtée dans son développement par la vaccine, c'est une production hybride, résultat combiné d'une espèce de lutte entre le virus vaccin et le virus varioleux. Ce sont des faits de cette nature, dit encore M. Bousquet, ce sont les exemples de varioloïdes, qui ont éternisé la querelle des médecins sur la question de savoir si on peut avoir deux fois la petite vérole. Lorsque l'observation n'est pas claire comme le jour, elle commence toujours par être un sujet de division. Étant donné une varioloïde, ceux qui ne croient pas au retour de la variole n'y verront qu'une varicelle, ceux qui croient à ce retour y verront la variole, et la division subsistera jusqu'à ce qu'une raison impartiale et sévère, appuyée sur une masse de faits, mette tout le monde d'accord en montrant qu'il y a exagération de part et d'autre. M. Bousquet nous apprend que c'est ce qui est arrivé pour la varioloïde. Cependant, dit-il, on s'était déjà fait quelques concessions. Ainsi, on admettait des varicelles prolongées et des varioles écourtées. On a repris ces querelles depuis qu'on a vu la variole surgir sur des sujets bien vaccinés, et après un examen attentif, et un redoublement d'attention, on a découvert qu'entre la varicelle et la variole il existait une éruption intermédiaire, qu'on a désignée sous le nom de varioloïde. Il est juste de dire que jamais la varioloïde n'avait été plus fréquente que de nos jours, la raison en est simple, c'est qu'elle est en grande partie l'ouvrage de la vaccine elle-même. La vaccine laisse donc quelquefois un reste d'aptitude à la variole, et la nature la comble par la varioloïde. Ainsi fut créée et annoncée au monde savant, cette maladie ingénieuse la varioloïde. Ce moyen de défense servit encore quelque temps, mais l'épidémie variolique sur les sujets vaccinés grossissait toujours, et l'académie avait beau dire, varioloïde, ce n'est pas la variole, c'est aussi grave, les symptômes et les conséquences sont les mêmes, oui, mais vous n'avez pas la variole. Cela ne guérissait ni ne consolait personne. On nommait des commissions pour vérifier les accusations contre le vaccin, mais ces commissions étaient chargées de faire des recherches sur les prétendues petites véroles survenues chez des individus qui avaient eu la vraie vaccine. On voit le parti pris au point de départ, ainsi, travaux inutiles. Le docteur Steinbrenné, quoique vaccinateur, s'exprime ainsi au sujet de l'une des commissions, malheureusement, dit-il, pour l'entier éclaircissement de la question, la commission partit dans ses investigations de l'idée préconçue, que dès qu'il y a éruption variolique, il doit nécessairement y avoir vaccine incomplète, et que du moment que la bonté de la vaccine est incontestable, l'éruption qui pouvait apparaître n'était en tout cas qu'une varicelle, c'était prendre la chose à rebours, et vouloir éclairer la question par la question même. Dès que la commission s'était déclarée d'avance pour la valeur absolue de la vaccine, il était impossible qu'elle pût apprécier, dans son vrai jour, le fond des choses. On voit ainsi que c'était toujours et partout en France, de la part des corps constitués, le même système de dénégation, le même empressement à se faire illusion sur la valeur de la vaccine, personne n'osait, personne ne voulait voir, et en dépit des faits qu'on avait sous les yeux, en dépit de la masse bien plus compacte des observations étrangères les plus incontestables, on s'efforçait toujours à soutenir une hypothèse qui tombait. À faire mystère des révélations qui arrivaient de toutes parts, ou bien à les présenter avec des explications qui en dénaturaient le caractère et la portée. Tout cela, disait-on tout bas, pour ne pas discréditer la vaccine aux yeux des populations, et lui enlever ainsi le prestige d'infaillibilité dont il fallait l'entourer. Néanmoins, parfois les statistiques renfermaient des aveux désolants. Un tableau donné par Grégory de tous les cas de variole traités à son hôpital, de 1809 à 1822, démontre de la manière la plus frappante, la constante progression du nombre des vaccinés, dans le chiffre total de chaque année. On verra que de 4 qu'il était en 1809, sur un nombre total de 146 variolés, il s'est accru successivement et presque régulièrement jusqu'à celui de 57, sur 194 variolés. Tableau des varioles après vaccine, 1809, 1822, année nombre des varioles et varioles après vaccine proportion relative 1809, 146, 4, 1h36, 1810, 149, 5, 1h29, 1811, 94, 6, 1h15, 1814, 79, 4, 1h19, 1815, 101, 6, 1h16, 1818, 58, 9, 1h06, 1819, 97, 17, 1h05 janvier et septembre 1820, 142, 25, 1h05, 1821, 117, 28, 1h04, 1822, 194, 57, 1h03. Les statistiques, disons-nous, renfermaient des aveux désolants, mais, ce qui est plus curieux, les vaccinateurs, les auteurs des statistiques eux-mêmes, contradiction étrange, n'avouaient pas, ne faisaient aucune concession sur les vertus du vaccin. Ainsi, nonobstant cette publication, Grégory se déclare encore pour la vaccine, il est comme le comité de Paris, il ne désespère pas encore de la cause du Copox, ou tout au moins ne veut-il pas prendre sur soi de jeter de la défaveur sur le vaccin. C'est toujours cette inconcevable partialité, cette inimaginable indulgence pour une inoculation, dont il reconnaissait déjà au moins l'inefficacité. Enfin, c'est l'éternelle perfidie au moyen de laquelle on a capté la confiance publique, conservé au vaccin son prestige, en un mot, réparé et maintenu pendant tant d'années cette puissance artificielle. 3 ans plus tard, en 1825, les reproches que mérite le docteur Grégory deviennent plus graves encore. L'épidémie variolique de cette année avait été pour lui le dernier enseignement, en présence des observations qu'il avait recueillies pendant cette période désastreuse, il ne lui était plus permis de douter, il l'avoue tout bas dans l'intimité au docteur Julius de Hambourg, il lui dit que non seulement les plus belles cicatrices vaccinales ne lui présentent plus aucune garantie, depuis qu'il a vu mourir des personnes dont les cicatrices avait de tout point les caractères prétendus infaillibles, mais qu'en général aussi la cause de la vaccine lui paraissait fortement compromise par les résultats déplorables, dont il venait d'être le témoin, résultat que des observations, recueillies dans sa pratique civile, étaient venues confirmer d'une manière encore plus affligeante. Il cite parmi les personnes très bien vaccinées, qu'il venait de perdre de la variole, la fille du comte de Cork, et il ajoute qu'on trouverait facilement encore à Londres d'autres cas semblables. Vous avez vu le vaccinateur dans l'intimité, maintenant voyez le vaccinateur en public. Le Parlement, alarmé de la recrudescence de la variole sur les sujets vaccinés, évoque l'examen de la question de la vaccine, le secrétaire d'État PL, convoque une assemblée des médecins du vaccine Bollard, sous la présidence du directeur Sir Henry Ulford. Le docteur Grégory fut invité à répondre à plusieurs questions écrites. Il s'agissait de constater la valeur des vaccinations, dont les sujets morts de la variole portaient les traces. Il déclara que chez les 12 individus morts à l'hôpital, les cicatrices étaient défectueuses, excepté chez un seul, William Johnson, chez plusieurs, dit-il, on avait même d'autres preuves d'une vaccination que leur propre affirmation. Puis il rentre chez lui, tire les verrous, ne vaccine pas ses enfants, les fait inoculer, et avoue à son ami qu'il agit ainsi, parce qu'il est tout à fait ébranlé dans ses convictions, que sans doute il s'est prononcé avec tant de réserve dans le comité, parce qu'il ne voulait pas jeter publiquement trop de défaveur sur la cause de la vaccine, dont il ne voulait pas encore désespérer. Ces détails ont heureusement été publiés en 1826, par les docteurs Julius, magasin d'air au 100 litres d'Erelk, juillet et août, ce qui n'empêcha pas le docteur Grégory de continuer à vacciner sans intermittence, et dans les hôpitaux et dans le monde, à contribuer de toutes ses forces à la propagation du système, dont il repoussait l'usage pour les siens, enfin dans son propre pays. Tant par lui-même que par ses élèves, et ses adeptes à livrer au désastre d'une pratique qui lui semblait détestable des victimes, qu'on peut compter par centaines de mille. Du reste, le docteur Grégory n'est pas plus coupable que les autres, partout, le système est le même. En 1825, il y eut à Paris une forte épidémie de variole, qui devait éclairer la question, car rien ne fut plus commun en cette circonstance que les cas de variole, bien authentiquement, bien officiellement spontanés, et frappant les sujets dont on pouvait citer la vaccine modèle. Ainsi, par exemple, on trouve dans le Journal général de médecine, septembre 1825, rédigé par M. Gauthier de Clobrie, l'observation de 18 élèves de l'école polytechnique atteints de variole. À la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis, des faits pareils s'étaient produits, et pourtant, suivant les exigences sévères des deux institutions, la vaccine devait être incontestable. Dans Paris, la multiplicité des observations analogues ne permet plus de douter, il faut bien le reconnaître, le vaccin n'est pas une garantie, tout le monde le voit. Tout le monde le dit, l'émeute gronde contre le vaccin. Mais les vaccinateurs n'abandonnent pas la partie, car, dit M. Steinbrenné, après une assez longue énumération de variole, ayant frappé, durant cette épidémie, des sujets bien vaccinés, tous ces cas ne furent pas livrés à la publicité, et surtout ne le furent pas sous leur couleur véritable, sans prévention et sans arrière-pensée. Il y avait, pour ainsi dire, émulation parmi les observateurs de se tromper réciproquement, sur la véritable nature, la véritable signification des faits qui s'observaient chaque jour, émulation de se payer d'explications forcées et inadmissibles, de se fasciner mutuellement les yeux, pour ne reconnaître que des sujets de satisfaction dans ces faits qui grossissaient autour d'eux, pour se maintenir dans la quiétude et la sécurité. Pour ne pas voir qu'ils étaient compromis et menacés de toutes parts. Il fallait immédiatement couper court à toute réflexion, à toute insinuation fâcheuse, dans une circonstance aussi grave, il fallait se montrer. Le comité de vaccine marcha bravement au-devant de l'évidence, on contestait les vaccines les plus authentiques, on y a les douteuses, on imagina une phrase, on dit, qu'il était possible que les victimes eussent acquis une nouvelle réceptivité variolique, depuis l'inoculation de la vaccine. La mission délicate qui consistait à rendre compte de cette épidémie, et d'en déduire les conséquences les plus favorables au vaccin, cette mission épineuse fut confiée à M. Salmad, cet orateur fit de merveilleux efforts, l'Académie, qui ne cessait de trembler à l'idée de voir toucher au palladium, crut encore obtenir un nouveau sursis. Mais partout on commence à voir clair. À l'étranger, des professeurs avouent publiquement, à Paris, cela est curieux, on persiste dans les dénégations les plus bizarres et les plus compliquées. À Stuttgart, nous ne citons que ce qui a été publié officiellement, le professeur Anke, dans son journal, en Zeitschrift, annonce qu'il a vu en quelques années plusieurs centaines de vaccinés atteints de variole. Aussi admet-il sans difficulté que les personnes, même le plus régulièrement vaccinées, ne sont point du tout préservées, il cite les observations les plus décisives et les plus catégoriques. Entre autres, il rapporte un fait qui s'est passé sous ses yeux, à Erlangen, 13 élèves en médecine avaient séjourné 4 ou 5 minutes dans la chambre d'un variolé, à la clinique, ils étaient tous parfaitement vaccinés, 9 furent atteints de variole, 2 de ces malades avaient même été revaccinés 2 ans auparavant. À Copenhague, le professeur Otto a publié dans le Rust Magazin, un aperçu des différentes épidémies varioliques, dont cette ville a été le théâtre depuis 1823 jusqu'en 1832. Dans la première, M. Otto a observé que sur 613 sujets atteints 438 étaient vaccinés. Du mois de septembre 1828 au mois de juin 1830, on avait admis à l'hôpital spécial de cette ville 557 variolés, dont 446 vaccinés. De tous ces vaccinés atteints durant cette épidémie, le plus jeune avait 4 ans et demi, la plupart des autres étaient vaccinés depuis longtemps, pour quelques-uns même l'inoculation, datait de la première introduction de la vaccine. À Hambourg, le docteur Simon a publié en 1833 un travail sur la vaccine et la variole, mitigée ou non, il reconnaît que depuis l'épidémie de Hambourg, en 1824, il a acquis la certitude que la variole se développe même sur les personnes le mieux vaccinées. Le docteur Chouan, en rendant compte d'une épidémie variolique, qui eut lieu en 1829 à Hambourg, dit que la variole vraie a attaqué non seulement les sujets qui n'avaient pas été vaccinés, mais encore un grand nombre de personnes, qui portait les plus belles cicatrices de cette inoculation, il vit même plusieurs fois, dit-il, des pustules varioliques sur les cicatrices même. La vaccine, il remarque en outre que dans cette circonstance, la variole frappe en plus grand nombre, les sujets au-dessus de 20 ans. On trouve dans le Morning Courier and New York Enquiry, 15 décembre 1851, une lettre du docteur Swift, médecin de la frégate américaine La Constellation, qui naviguait en 1831 dans la Méditerranée, il se déclara, dit-il, spontanément à bord une épidémie variolique qui attaqua 59 individus dont 54 vaccinés. Aucun des individus variolés ne fut atteint. Le professeur Pfaff de Kiel, dans un article qu'il publia en 1833, rend compte d'une épidémie variolique, qu'il avait eu l'occasion d'observer dans le bourg de Marstal, il a roué, il dit que 191 individus furent atteints. Les vaccinés comptaient dans ce nombre pour le quart. Dans 4 cas, remarque-t-il, la variole et la vaccine ont suivi, chacune régulièrement et simultanément leur marche sur le même sujet. Les pustules varioliques poussèrent entre les pustules vaccinales. Le docteur Steinbrenner, qui cite les faits et remarque que nous venons de reproduire, fait lui-même à ce propos la réflexion suivante. Toutes ces observations s'accordent enfin à faire envisager la vaccine, comme un préservatif relatif seulement, et non absolu, ce défaut éventuel de préservation, ne s'établit pas seulement après 15 ou 20 ans, car on a vu dans certaines épidémies, que des individus vaccinés depuis quelque temps seulement ont été atteints de variole. Une bonne vaccine transforme toujours la variole en varioloïde, mais il faut reconnaître que la ligne de démarcation est bien peu tranchée entre la variole et la varioloïde et que l'une produit l'autre. On ne pouvait traiter cette question avec plus de franchise et de bonne foi et nous n'avons rien de mieux à faire que de nous contenter de cette appréciation d'un vaccinateur, appréciation couronnée par l'Académie des sciences. Nous nous arrêtons dans nos citations, il nous semble inutile d'embarrasser cette esquisse d'une série de faits toujours les mêmes, ceux que nous avons produits et les appréciations qui les accompagnent, établissent sans toute évidence l'inefficacité du vaccin. Ce ne sont point des théories, ce sont des faits, tous les médecins de l'Europe les proclament, et pourtant à Paris, à ce moment-là même où toutes ces révélations se multiplient au point de ne pas permettre un doute, M. Husson, à l'Académie de médecine, en pleine séance, osa affirmer que depuis 40 ans, qu'il vaccinait, il n'avait pas encore eu l'occasion de constater un seul exemple de variole chez des sujets vaccinés. Immédiatement, comme d'habitude, M. Moreau de Jonès hâta de donner la réplique à cette étourdissante affirmation, il ajouta, « Je crois même que les secondes de variole sont plus fréquentes que les varioles après une bonne vaccine, car depuis 25 ans que j'exerce la médecine, je n'en ai pas vu un seul exemple. » Tant de courage, tant de dévouement furent perdus. L'effet devenait d'une évidence trop palpable, il ne s'agissait plus seulement de quelques observations personnelles, de quelques plaintes, d'un débat scientifique à huis clos. Les journaux savants, les journaux politiques se joignirent à la rumeur générale. La cause du vaccin pouvait être à jamais perdue, les vaccinateurs firent enfin une légère concession, puis crurent regagner le terrain par une nouvelle fiction. En effet, avouèrent-ils, des sujets bien et dûment vaccinés ont eu la variole, la vraie variole, tout comme s'ils n'avaient point subi l'inoculation du copox. Oui, maintenant les épidémies se multiplient, oui, le copox est impuissant, mais cela ne prouve rien contre la vaccine, le principe de la vaccination est toujours excellent, c'est le copox qui est devenu mauvais, sick. Par ses transmissions successives, le copox a perdu sa puissance, il est dégénéré, il faut le renouveler. Alors commença une nouvelle phase de l'histoire du vaccin, une série de recherches vraies ou supposées, dont l'Académie voulut bien écouter le récit périodique, et que nous tâcherons de raconter sérieusement. Nous venons de le dire, le copox était fatigué, et les plus célèbres parmi les propagandistes de la vaccine se mirent à la poursuite du copox 9. Mais il paraît, du moins d'après le temps que dura cette recherche et le bruit que l'on fit, il paraît que ce n'était pas chose facile, aussi jugée de l'allégresse générale quand, en 1836, après avoir parcouru vainement toute la province, après maintes annonces non justifiées, après maintes déceptions, on crut pouvoir annoncer officiellement à l'Académie, à la France, au monde savant qu'on avait eu enfin le bonheur de retrouver le copox, le vrai copox sur une vache de Passy, vache blonde, dont on ne dit pas le nom, et dont le rôle pourtant fait époque dans l'histoire de la vaccine. L'Académie accueillit avec faveur l'importante communication, on nomma une commission qui se rendit à Passy, examina l'animal et se déclara fort satisfaite. Sur son rapport, l'étable, désormais consacrée par la science, reçut des visiteurs sans nombre, la popularité de la vache blonde n'avait plus de bornes, et tout le monde voulut être vacciné de ce vaccin. L'adroit auteur de cette petite découverte avait eu une idée heureuse, on lui envia sa bonne fortune, et l'imitation, qui vient planter son lierre au pied de tous les succès, lui fit une concurrence telle qu'il n'eut plus d'autre avantage que la priorité, et fut oublié immédiatement, car chaque jour l'Académie recevait et prenait en considération un nouveau rapport qui annonçait une nouvelle vache, affichant des prétentions à la célébrité de la vache de Passy, une nouvelle bienfaitrice de l'humanité, une gloire à la suite. Il y eut la vache de Rambouillet, la vache de Versailles, la vache de Châtellerault, la vache de Livry, la vache d'Antony, etc. L'Académie dut se hâter de déclarer le vaccin définitivement retrouvé, autrement toutes les vaches de France et d'Europe plus, je crois, présenter leur requête et offrir leur service à Monsieur Bousquet. Il était temps, que de séances qui n'avaient eu d'autre objet, que de discussions vaseuses, de délibérations absolument perdues. Ceux qui suivaient alors les séances de l'Académie, ont gardé le souvenir de ces débats interminables qui, le lendemain, de l'aveu même de ceux qui y avaient pris part, étaient reconnus tout à fait inutiles, car on découvrait bien souvent que l'on avait discuté avec acharnement, rien d'autre chose que les conséquences probables d'un fait dû seulement ou à l'imagination, ou à l'observation erronée, ou à la naïve crédulité du premier opinant. De toutes ces séances longues, ennuyeuses, vaines, qu'était-il résulté pour l'Académie? Qu'avait-elle entendu? Qu'avait-elle fait pour la science? Elle avait entendu le récit 100 fois répété d'observations sans intérêt, et d'expériences qui souvent ressemblaient à des mystifications. On lui avait conté que, dans l'espoir de retrouver le copox, on avait inoculé à des vaches la petite vérole, qu'on avait ainsi obtenu des pustules de copox qui, reportées sur l'enfant, avaient produit une vaccine d'un caractère très dangereux. On lui avait conté que, dans l'espoir moins hardi de rendre au copox fatigué sa vertu première, on l'avait transmis de l'homme à la vache, et que cela avait pris. On lui avait ainsi donné un moment à croire que le vaccin, pendant un laps de temps, avait été perdu pour les vaches, et que par bonheur pour ces bêtes, il avait été providentiellement conservé par l'espèce humaine, qu'il avait rendu à l'espèce animale. Autant qu'il m'en souvient, un des plus infatigables lecteurs était le docteur Fiard, ses expériences furent nombreuses et souvent répétées, il n'épargna pas la patience de l'Académie, il les raconta toutes, il ne fit jamais grâce du moindre détail. Il paraissait, du reste, pénétré de son sujet, et parfaitement dévoué à l'œuvre. Il avait acheté une petite vache pour expérimenter plus sûrement. Il partait de ce raisonnement, si, disait-il, comme on le prétend, le vieux vaccin n'a pas subi de dégénérescence, par suite des transmissions régulières, qui l'ont conservé chez l'homme jusqu'à ce jour, il doit, comme dans les premiers temps de son introduction en France, jouir de la propriété de se reporter de l'homme à la vache, et de la vache à l'homme. Les procès-verbaux de l'ancien comité central de vaccine, 5 années 1803, prouve en effet qu'au commencement de ce siècle, on réussissait fréquemment à reporter le virus vaccin de l'homme à la vache et de la vache à l'homme. Or, M. Fiard racontait avoir inoculé le vaccin à 70 vaches de différentes espèces, et avoir obtenu seulement 6 ou 7 fois, une éruption moins développée, que dans le cas de la plus faible vaccine ordinaire, en un mot des pustules à peine caractérisées. La matière de cette éruption, inoculée à des enfants, était toujours restée sans la moindre action. Ces expériences se prolongèrent longtemps sans plus de succès. Donc le vaccin est dégénéré, disait M. Fiard, il faut donc se mettre à la recherche du copox primitif, et comme tout le monde il demandait et il cherchait. Enfin, l'opiniâtre expérimentateur, reçut du copox d'Angleterre, et quoique l'origine de ce copox ne fût pas suffisamment justifiée, il se hâta de pratiquer à sa petite vache 9 insertions du nouveau virus, 3 sur chaque trillion. Bientôt, dit-il, une proéminence sensible indiqua le développement des boutons, enfin, au 5e jour, l'éruption était évidente. Ce succès inespéré fit oublier à M. Fiard toutes ses peines, toutes ses déceptions, toutes ses dépenses. Il se crut sûr de perpétuer le copox, et songea à fonder un établissement central de vaccination. Le 10 mai il fit insérer une annonce dans un journal politique, le 15, 11 personnes avaient déjà été se faire inscrire pour être soumises à l'inoculation de son nouveau copox. Les pustules de la vache continuèrent à se développer régulièrement. Le 8e jour elles étaient plus grosses, et plus larges qu'elles ne le sont d'ordinaire à cette période sur l'homme, elles avaient, dit-il, tous les caractères d'un beau bouton, l'aréole commençait seulement à s'étendre, et, le 10e jour, les pustules s'entouraient d'une rougeur brunâtre accompagnée d'un gonflement des tissus environnants. Le 13e jour, les aréoles étaient presque éteintes. Enfin les croûtes se formèrent, M. Fiard pense qu'elles tombèrent promptement, mais il ne le sait pas, dit-il, d'une manière précise, parce qu'aussitôt le vaccin recueilli, il avait vendu sa petite vache. Sur les 11 personnes inscrites, 8 seulement se trouvèrent au rendez-vous, et l'opération eut lieu en présence de quelques amis de M. Fiard. L'inoculation échoua sur 2 enfants, dont l'un, âgé de 7 ans, avait déjà subi vainement plusieurs vaccinations ordinaires, sur un seul enfant 3 pustules se développèrent, sur 4 autres il s'en développa de 4 à 7, le dernier n'en eut qu'une. M. Fiard décrit soigneusement la marge de cette vaccination, et déclare que les pustules qui en sont la conséquence, présente des différences notables avec celles que produit le vaccin ordinaire, du moins quant au degré d'intensité des symptômes locaux et généraux. M. Fiard croyait tenir le copox, il l'assurait à l'académie qui ne perdait pas une expérience. Mais la conservation de la précieuse matière, présentait des difficultés sans nombre. Bientôt M. Fiard donna je ne sais quel prétexte, l'irritabilité des vaches causée par l'engorgement des mamelles, l'impossibilité de réunir les personnes à l'époque convenable, et mille autres raisons aussi précises. Enfin, je ne sais comment cela se fit, mais, malgré ses soins et ses efforts, M. Fiard, tout d'un coup, perdit son copox. Quand le précieux virus fut perdu, on mit le comble au désespoir de M. Fiard en ne partageant point ses regrets. On lui reprocha, et ce reproche fut répété officiellement, par M. Brochet dans un rapport à l'Académie des sciences, on lui reprocha de n'avoir pas prouvé l'authenticité du copox, qu'il avait fait venir d'Angleterre, authenticité d'autant plus contestable que, selon la correspondance du prince de Talleyrand au docteur Bourdois, on ne s'était servi en Angleterre, jusqu'en 1831, que du vaccin de Jenner, et qu'il y avait plus de 20 ans, qu'on avait vu de copox dans ce pays. Du reste, M. Fiard n'était pas seul à expérimenter sur le vaccin primitif et le copox retrouvé. Le docteur Céphé, le docteur Beck-Bitinger et tant d'autres lurent, aussi à l'Académie de longues dissertations sur les différences qu'ils avaient remarquées entre les pustules des deux vaccins, aux périodes successives de l'inoculation. L'Académie avait pris toutes ces expériences en sérieuse considération, les journaux français avaient longuement retenti de ses espérances et de ses déceptions, l'impulsion était donnée à toute la France, à toute l'Europe, au monde entier. Et partout on s'était mis à chercher le copox, le vrai copox sous la direction de toutes les académies, sous la protection et avec les encouragements de tous les gouvernements. Dans le Württemberg, une ordonnance du 13 novembre 1825, avait recommandé expressément aux médecins et aux vétérinaires du bailliage d'aller à la recherche du vaccin originaire, une prime de 2 thalers devait être accordée à tous les fermiers, dont les vaches présenteraient les pustules vaccinales. En 1826, il y eut une prime, 3 en 1828, et en 1829, 4 vaches valurent à leur propriétaire la récompense promise. Le 28 mars 1829, une nouvelle ordonnance avait porté à 4 thalers, la prime pour les vaches dont le copox aurait été inoculé avec succès, la prime était fixée à 2 thalers pour les vaches, dont le copox ne réussissait point. Cette année même il y eut lieu d'accorder 8 primes de 4, et 17 primes de 2 thalers, en 1831 et 1832, les primes furent encore plus nombreuses. Ces encouragements faisaient vraiment merveille, et les découvertes du copox, un moment, se multiplièrent à tel point, que l'on put croire le pays privilégié. Pourtant M. Hering, qui a publié un grand nombre d'observations sur le copox recueilli dans le Württemberg, assure, de sang-froid, que ce pays ne présente ni dans son climat, ni dans sa végétation, rien qui doive favoriser spécialement le développement du copox. Il ajoute que bien qu'on ait trouvé de 1827 à 1837, sur 84 vaches, du copox vrai, il peut prouver, par la carte géognostique du royaume de Württemberg, que ni la nature du sol, ni son degré d'élévation au-dessus de la mer ne contribue à la fréquente production du copox. comme quelques auteurs ont voulu le prétendre. Nous n'insisterons pas sur la haute portée scientifique de ces faits. Dans le duché de Bade, une ordonnance ministérielle du 5 mai 1829 promet, comme dans le Württemberg, une récompense à tout propriétaire qui avertirait à temps l'autorité de l'existence du copox. À l'ordonnance était jointe une description exacte du vrai copox des vaches qui, selon le professeur Hering de Stuttgart, est facile à confondre avec une maladie contagieuse très commune chez les ruminants, et connue sous le nom d'aphta epizootica. À ce propos, nous devons dire que Macpherson découvrit dans l'un de ces épisodes frappants, par une singulière coïncidence, les bestiaux d'un village au moment même où les hommes de ce village étaient envahis par la variole. Wood avait signalé cette maladie dans le Suraté le Dhaka. Macpherson prit de ce virus pour tenter des vaccinations, mais les effets en furent si violents et si graves qu'il eut, assure-t-il, bien préféré l'inoculation de la variole humaine à cette singulière préservation. À notre avis, cette éruption était, à n'en pas douter, la variole humaine inoculée par contagion à la vache, puis reportée sur l'homme, transmission dont nous avons cité plus haut, la tentative et les effets désastreux. À Calcutta aussi on croyait le vaccin dégénéré, et là aussi on recherchait le copox. Ce pays, alarmé de l'apparition de plus en plus fréquente des varioles et des varioloïdes, avait accusé la qualité du vaccin, et bientôt l'autorité engagea les médecins à faire des recherches, alors là aussi commencèrent des séries d'expériences de tout point semblables à celles qu'on faisait en France. Nous trouvons, dans la Calcutta Government Gazette, le détail de ces travaux, dans l'espoir d'obtenir un vaccin plus actif, plus efficace. On tenta les expériences que le docteur Céline Lesbury venait de rendre célèbre en Angleterre, on inocula la variole de l'homme à une vache, et on prit de cette matière pour vacciner, on inocula du virus vaccin aux vaches, enfin, on fit tout ce qu'on avait fait en France. Et dans le reste de l'Europe, et là, cela est bien entendu, pas plus qu'ailleurs on obtint de résultats sérieux. En présence de ces échecs, d'autres médecins nièrent l'affaiblissement du virus. Discussion vaseuse, temps perdu, vaine polémique, tout comme en France. W. Cameron, entre autres, s'acharnait à affirmer que le vaccin s'était conservé absolument tel qu'il était en 1803 et que pendant tant d'années il avait été transmis de bras en bras sans perdre la moindre parcelle de sa vertu. Les pustules, disait-il, sont toujours les mêmes, toujours semblables aux pustules dessinées par Genet. Macpherson et Wood niaient aussi l'altération de la puissance du vaccin. Enfin, nulle part les encouragements de l'autorité ne manquèrent, officiellement ou non, à la recherche du copox, et pendant bien des mois, toutes les académies du monde n'écoutèrent et ne discutèrent pas autre chose. Quant à l'Académie de médecine de Paris, rien n'égalait sa patience, toutes les séances se ressemblaient, un jour on lui soumettait une tentative heureuse, la séance suivante, la même tentative moins heureuse ou plus heureuse, ou bien on lui avouait qu'une expérience nouvelle était venue complètement démentir la première, puis, après les expériences, c'était les propositions de toute espèce, des idées fausses à tous les degrés. Il y eut des vaccinateurs qui soutinrent qu'on pouvait parer à l'affaiblissement du vaccin en augmentant le nombre des piqûres, ils ajoutèrent même que le nombre de ces piqûres, insuffisant jusque-là, avait été de tout temps la seule cause des échecs plus ou moins rares éprouvés par le vaccin. Ce point une fois admis par quelques médecins, chacun vint proposer son chiffre, les uns proposaient 20 piqûres, les autres 30, le chiffre monta peu à peu, et il y en eut qui osèrent, Rhizome Teneati, proposer de pratiquer à chaque enfant, pour le préserver de la petite vérole, 100 piqûres vaccinales. Le plus raisonnable fut le docteur M, qui fixa le nombre à 12, mais il fut seul de son avis. L'académie écoutait et discutait avec lassitude toutes ces divagations. Enfin, comme nous l'avons dit, grâce à la vache de Passy et à ses pareils, le copox fut déclaré retrouvé, et l'académie put espérer la reprise de ses travaux sérieux. Elle put croire un moment que la question était vidée et la discussion définitivement close. Vain espoir, on lui soumit bientôt les expériences comparatives du nouveau et de l'ancien vaccin, elle examina encore, et conformément aux conclusions du comité de vaccine, elle reconnut la supériorité du nouveau virus, le déclara bon et efficace vaccin, puis passa à d'autres études. Mais cette fois encore elle avait compté sans la petite vérole, elle avait perdu son temps et à examiner et à défendre l'ancien vaccin, à chercher et à découvrir le nouveau, à comparer le virus fatigué au virus régénéré, à reconnaître les vertus retrouvées du virus, et voici que l'épidémie variolique se jouait du nouveau et de l'ancien copox et du comité de vaccine, et tout est à recommencer. Que fera l'académie, tant de fois confondue par l'argumentation irréfutable des faits, se décide-t-elle à abandonner le vaccin qui tant de fois a compromis son infaillibilité? Fermera-t-elle l'oreille aux vaccinateurs qui si longtemps ont abusé, au moins, de sa patience? Songera-t-elle seulement après 50 ans à rechercher le mode d'action du vaccin, qui seul pourra lui révéler le pourquoi de cette impuissance, le secret de ces démentis que lui a jeté, tant de fois une cruelle expérience? Non, de même que les premiers vaccinateurs, se sont contentés du plus simple empirisme, de l'observation la moins profonde, de même qu'ils se sont contentés d'additionner les faits sans chercher à les expliquer, de même l'Académie ne songe point à la théorie des faits qui la frappent, elle se contente elle aussi de l'examen le plus superficiel, de l'observation la plus simple, la plus vulgaire, la moins digne d'un corps savant à qui incombe à une si grave responsabilité, toujours partant du même principe. Je veux dire de la défense systématique du vaccin, elle ne veut point encore examiner impartialement la question, elle considère seulement le terrain qu'a perdu le vaccin, et ce qu'elle peut encore disputer en son nom à l'éclatante insolence des faits. Elle remarque que les varioles ne frappent en général les sujets vaccinés, qu'après un certain laps de temps, sans autre explication, elle s'arrête à ce fait, le comité de vaccine s'y cramponne, on dit que le vaccin n'a qu'une action temporaire, cela est vrai, mais il a une action temporaire, quant aux conséquences, peu importe, cette action est prouvée. Or, puisqu'il en est ainsi, qu'y a-t-il de mieux à faire que de renouveler cette action, de la renouveler régulièrement? Cela est vrai, dit-on, à quoi songions-nous donc? Comment n'avons-nous pas vu cela plus tôt? Quoi de plus simple et de plus naturel? La force, répercussive, du vaccin s'use, on la renouvelle, cette action est temporaire, rien ne nous empêche de la perpétuer. Allons, tout est pour le mieux, cela nous a donné beaucoup de tracas, mais enfin nous nous en sommes tirés à notre gloire et à l'immortalité du vaccin. L'Académie se prononça tout naïvement, pour la revaccination et le vaccin fut encore sauvé. Il y eut pourtant des ardents, des intraitables, des vaccinateurs de la vieille roche qui blâmèrent l'Académie, qui l'accusèrent de faiblesse, lui reprochèrent le principe de la revaccination, comme une concession dangereuse pour la foi jennerienne, comme un fait révolutionnaire dont il faisait le premier coup de sa portée à la précieuse institution du vaccin. Monsieur Salmade, entre autres, à l'Académie même, déplora plus d'une fois ce scepticisme, en quelque façon dès lors officiellement consacré par le principe de la revaccination, tout comme Monsieur Husson et Monsieur Moreau de Genêt-il croit, envers et contre tous, il croit à l'infaillibilité du vaccin, pour lui la préservation est sûre, évidente, et on doute, dit-il, tantôt de l'efficacité du vaccin, tantôt seulement de la durée de cette efficacité. Et on veut revacciner, mais à quoi bon? Non seulement ces vaccinations sont inutiles, mais encore elles sont propres uniquement à ébranler la foi dans la vaccine. Il dit que, lorsqu'une seconde vaccine est régulière, elle ne constitue à ses yeux qu'un travail local. Alors M. Piori répond, qu'à son avis les succès modifiés de la revaccination, constituent encore une variété modifiée de la véritable vaccine, c'est une vaccinoïde, dit-il, comme la varioloïde forme une variété modifiée de la vraie variole. Nous avons montré, dans la première partie, ce qu'il fallait entendre par cette habile invention de la varioloïde. Quant à cette nouvelle fantaisie de vaccinoïde, nous n'avons pas à nous en occuper. Genêt, ces messieurs l'ignoraient sans doute, Genêt lui-même avait dès le principe reconnu la possibilité de la revaccination indéfinie, il avait parfaitement exposé le travail produit par l'inoculation du copox, travail général dans la première épreuve, et exactement pareil dans les suivantes. Puisque, dit-il, la petite vérole ne se manifeste jamais, qu'une fois dans la vie et que la petite vérole des vaches en garantit sûrement, il semble que celle-ci ne devrait non plus se manifester, qu'une fois sur le même individu, et que quand on l'a eu on devrait, ne pouvoir plus y être sujet de rechef. Cependant il est démontré qu'on peut l'avoir plusieurs fois. En voici un exemple. William Smith de Pierton étant, en 1780, chez un fermier du voisinage, fut appelé à panser les ulcères de l'un des chevaux de la ferme et prit le javard, il porta l'infection aux vaches, il eut plusieurs ulcères aux mains, et les symptômes ordinaires d'affection générale. En 1791, il se trouva chez un autre fermier, parmi les vaches duquel le copox se manifesta, il le prit pour la seconde fois, et fut aussi fortement atteint que la première, enfin, en 1794, il le prit une troisième fois, et les symptômes furent aussi graves que les deux premières fois. Genêt cite encore plusieurs observations dans le même sens, entre autres celle d'Elizabeth Wynne, qui avait eu en 1759 la petite vérole des vaches, en 1797, elle subit l'inoculation variolique sans succès, mais, en 1798, elle prit le copox pour la seconde fois, et le mal se développa encore avec la même intensité que par le passé. Péarçon, dans son livre sur la vaccine, dit formellement que la vaccine ne s'exclut pas elle-même, et que des bergers l'ont quelquefois à plusieurs reprises. Du reste, des expériences nouvelles avaient prouvé le fait jusqu'à l'évidence, et on passa outre. On n'avait pas le choix, il fallait calmer l'inquiétude publique, relever le vaccin, M. Salmade et les autres gardèrent leurs convictions, M. Piori en fut pour son invention de la vaccinoïde, et bientôt tout le monde, même M. Bousquet, qui avait écrit que la seconde vaccination ne donne, le plus souvent qu'une fausse vaccine, tout le monde se décida pour la revaccination par période fixe. Le fait de l'action temporaire du vaccin une fois admis, on se mit à discuter la durée de cette action, les uns la fixèrent à 15 ans, les autres à 10, les autres à 5. De longues séances de l'Académie se passèrent encore en ces insipides débats, enfin on prit le parti qui semblait offrir le plus de garanties, et 5 ans fut la période officielle de la revaccination. La décision fut publiée avec les considérants, la foule irréfléchie trouva l'idée toute naturelle. Sous l'impression des tableaux effrayants, que les vaccinateurs ne cessent jamais de faire de la variole dans l'intérêt de leur orfèvrerie, le public se rejeta avec enthousiasme sur la revaccination. Ce fut une mode, on croyait doubler sa sécurité. Les timorés, dont l'usage est en général d'exagérer le conseil du médecin, et qui croient se mieux guérir en doublant les doses prescrites, pensèrent ainsi à l'égard de la vaccine. On rapprocha les termes fixés par l'Académie, les terreurs maternelles ne croyaient jamais trop préserver les enfants, la coquetterie féminine surtout, ne se jugeant jamais assez vaccinée, il y nombre de personnes qui tous les ans, allaient renouveler leur assurance, et tenter de payer par une fièvre de quelques jours, une trompeuse sécurité pour toute l'année. Quand dans une maison il y avait un cas de variole, immédiatement on se faisait revacciner en famille, il semblait que ce fût la plus simple précaution, commandée par la plus vulgaire prudence, y manquer eût été impardonnable. Bientôt des particuliers, des familles cette malencontreuse sollicitude gagna les souverains, qui mal informés crurent de leur devoir paternel de soumettre non seulement leurs armées, mais leur population tout entière à cette sage et facile précaution, et bientôt dans toute l'Allemagne, dans tout le nord des décrets inspirés par les meilleurs sentiments, resserrèrent dans l'étreinte désastreuse du vaccin des millions de victimes. C'est en Prusse qu'on prit l'initiative des grandes revaccinations exécutées d'une manière générale. Le chef de la médecine militaire, le docteur von Wibel, donna l'ordre à tous les médecins militaires de revacciner indistinctement toutes les recrues de l'infanterie, qu'elles portent à sous nom des cicatrices de leur première vaccination. Il recommanda en même temps de pratiquer un nombre de piqûres vaccinales plus considérable qu'on avait eu coutume de le faire jusqu'alors. Voici quelques détails sur ces revaccinations dans les années 1831 et 1832. On revaccina en 1831, à l'Erfur, toute la garnison, composé de 6020 hommes, du 3e corps d'armée. Chez 2354 de ces individus, on obtint, par cette vaccination, des pustules de vaccine reconnues vraies. Dans le 8e corps d'armée, sur 2784 sujets qui furent revaccinés, on obtint chez 925 de bonnes pustules. En 1832, on revaccina, dans le 8e corps d'armée, 3942 recrues, dont 1594 avec un succès complet. Dans le 5e corps d'armée, 3234 recrues furent revaccinées, et sur ce nombre 2535, eurent de belles pustules vaccinales, ce succès engagea, en 1833, les autorités à donner un nouvel ordre officiel, toutes les recrues de l'armée indistinctement devaient être revaccinées tous les ans à leur entrée au corps. On décréta en outre qu'il fût dressé des états de revaccination par tous les médecins militaires, et qu'on y fit mention de l'état des cicatrices de la première vaccination, du succès obtenu dans la vaccination, du nombre de bonnes pustules produites, du nombre des revaccinés atteints dans le courant de l'année par la variole ou la varioloïde, et enfin de tout ce qui peut intéresser ou éclaircir la question de la vaccine. Le docteur Lemeyer publia, Med. Zetung, 1834, NDEG 25, le relevé des vaccinations faites dans l'armée prussienne pendant l'année 1833, on revaccina en tout dans cette armée 48 478 individus, 37 286 d'entre eux. Eux portaient des cicatrices parfaitement distinctes de leur première vaccination, 7641 des cicatrices incomplètes, et 3550, et un ne présentait plus aucune trace de leur première vaccination. L'opération eut un succès complet chez 15 269 individus, un succès incomplet chez 12 203, et elle échoua sur 21 006. Selon l'ordonnance, la revaccination avait été faite au moyen de 20 piqûres d'inoculation au moins sur chaque individu. Toutes ces mesures n'empêchèrent pas que parmi ceux qui, dans les années précédentes et dans l'année courante, avaient été revaccinés avec un succès complet, on en compta 54 atteints de la varicelle, 50 de la varioloïde et 20 de la variole. Comme cette expérience faite sur une grande échelle, mérite un examen consciencieux, nous avons cru devoir apporter l'extrait des revaccinations suivies chaque année dans la même armée. Résultat des revaccinations faites dans l'armée prussienne, en 1834. 44 444 individus ont été revaccinés. De ce nombre, 33 634 portaient des cicatrices distinctes, et 3686 n'en avaient point. La revaccination eut un succès complet chez 16 679 individus, un succès régulier chez 12 287, et elle ne produisit aucun résultat chez 15 428. On répéta la vaccination, une troisième fois sur ces derniers, cette fois, avec succès sur 866, et sans succès sur 3664. De tous les individus qui avaient été revaccinés avec succès cette année, 46 ont été atteints de la varicelle, 31 de la varioloïde, et 2 de la variole. De tous les revaccinés, il y eut 79 cas de variole, varioloïde et varicelle, tandis que chez les individus simplement vaccinés, il y eut dans l'armée, Pendant le cours de cette année, 540 cas de variole ou varioloïde. Résultat des revaccinations faites dans l'armée prussienne, en 1835, Med. Zetung, 1837, NDEG 20. Il est simplement indiqué que cette année, 39 192 revaccinations ont été faites, dont 3315 ont parfaitement réussi, les autres détails sur cette année manquent. Résultat des revaccinations faites dans l'armée prussienne, en 1836, par le docteur Lomeyer, Med. Zetung, 1837, NDEG 20. 42 524 individus ont été revaccinés. De ce nombre, 32 635 avaient des cicatrices distinctes, et 2144 n'avaient point de cicatrices. La revaccination fut suivie d'un succès complet chez 18 136 individus, d'un succès irrégulier chez 9 940, elle n'eut aucun succès chez 14 048. Ces derniers furent vaccinés une troisième fois, on obtint une réussite parfaite chez 1569, et on échoua encore sur 8 905. Et, chose remarquable, il y eut encore cette année des cas de variole et de varioloïde chez les individus qui avaient été revaccinés une et deux fois sans succès. Résultat des revaccinations faites dans l'armée prussienne, en 1837. D'après la circulaire du docteur von Wibel, Rust Magazin, tome 3, 1838, 47 258 individus furent revaccinés. De ce nombre, 37 299 présentaient de belles cicatrices vaccinales, 6 903 portaient des cicatrices indistinctes, 3 056 pas de cicatrices. Le succès obtenu par la revaccination fut complet chez 21 308 individus, irrégulier chez 10 557, nul chez 15 393. Sur ce dernier chiffre, on revaccina une troisième fois avec succès, 2 243, et sans succès 9 771. Résultat des revaccinations faites dans l'armée prussienne, en 1838, Rust Magazin. 42 041 individus furent revaccinés. De ce nombre, 33 819 avaient des cicatrices distinctes de leur première vaccination, 5 645 des cicatrices indistinctes, et 2 577 n'en avaient pas. La revaccination eut un succès complet chez 19 117 individus, un succès incomplet chez 8 672, et elle fut sans résultat chez 14 262. Ces derniers furent soumis à une troisième vaccination, on obtint encore un résultat complet de vaccination sur 2306. Parmi les individus revaccinés avec succès dans le cours de cette année, 19 furent atteints de varicelle, 10 de varioloïde et 2 de variole. Résultat des revaccinations faites dans l'armée prussienne, en 1839, Med. Zetung, 1840 NDEG 17. 41 481 soldats furent revaccinés. De ce nombre, 33 225 avaient des cicatrices distinctes d'une première vaccination, et 5 889 présentaient des cicatrices indistinctes, 2 367 n'en avaient pas. Le succès de la revaccination fut complet chez 19 249, irrégulier chez 8 534, nul chez 13 698. Ces derniers furent soumis à une troisième revaccination, il y eut encore 105 succès. De ceux qui avaient été revaccinés avec succès cette année, 18 furent atteints de la varicelle, 7 de varioloïde, et dans toute l'armée, on compta 51 cas de varicelle, 32 de varioloïde, et 6 de variole. Résultat des revaccinations faites dans l'armée prussienne en 1840, Med. Z. 1841, NDEG 10. 43 122 soldats ont été revaccinés. De ce nombre, 34 573 portaient des cicatrices distinctes d'une première vaccination, 6177 des cicatrices incomplètes, et 2372 n'avaient pas de cicatrices visibles. La revaccination a eu un succès complet chez 29 152, chez 8120 un succès incomplet, et elle fut nulle chez 13 750. Ces derniers, soumis à une troisième revaccination, on obtint encore 2830, et un succès et 9858 un succès. Cette année il n'y eut, dans toute l'armée, que 46 cas de varicelle, 21 cas de varioloïde et 7 cas de variole. Résultat des revaccinations faites dans l'armée prussienne en 1841, Rust Magazin, 1842. Le nombre des militaires soumis cette année à une revaccination était de 44 941. Les cicatrices de la première vaccine étaient très distinctes chez 36 182, chez 6 192, elles étaient irrégulières, et 2567 n'en présentaient pas. La revaccination produisit des pustules normales chez 23 383, des pustules modifiées chez 8 035, et elle fut sans résultat chez 13 523. Parmi ces derniers, on répéta une troisième vaccination chez 2254. Cette année parut encore un nouveau règlement, qui força tous les jeunes soldats à se faire revacciner à leur entrée au corps, et à se soumettre à une troisième revaccination dans le cas où la seconde n'aurait pas eu de succès. Résultat des revaccinations faites dans l'armée prussienne en 1842, Med. Zetung, 1843, NDEG 14. 42 582 soldats furent revaccinés, 33 185. Parmi eux avaient des cicatrices distinctes de la première vaccination, 6551 des cicatrices incomplètes, et 2646 n'en avaient pas. La revaccination produisit une éruption vaccinale normale chez 21 865, une éruption irrégulière chez 8056, et nulle chez 12 661. Une troisième vaccination fut pratiquée sur ces derniers, et avec succès chez 3029. Il y eut cette année, dans l'armée, 38 cas de varicelle et 4 de varioloïde. Résultat des revaccinations faites dans l'armée prussienne en 1843, Med. Zetung, 1844, NDEG 14. 42 998 soldats furent revaccinés, 33 490 présentaient des cicatrices vaccinales d'une belle nature, 6 258 des cicatrices incomplètes, et 2 350 n'en portaient pas de traces. La revaccination eut un succès complet sur 22 062, un succès modifié sur 8 613, et ne produisit aucun effet chez 12 323. Parmi ces derniers, une troisième vaccination réussit encore parfaitement, sur 2 439. Il y eut cette année, dans toute l'armée, 72 cas de varicelle, 80 cas de varioloïde et 15 de variole. Le 7 février 1833, l'ordonnance suivante fut publiée et mise en vigueur dans l'armée wurtembergeoise. Comme l'expérience des derniers temps a prouvé que l'état des cicatrices vaccinales ne peut nullement servir comme une marque distinctive entre les vaccines préservatrices et celles qui ne le sont pas, et comme il devient de jour en jour plus probable que la force préservatrice de la vaccine s'affaiblit chez beaucoup d'individus après une série d'années, j'ordonne, d'après un avis du ministre de l'Intérieur, que tout jeune soldat, quoique vacciné et ayant des cicatrices vaccinales incontestables, soit revacciné dès son arrivée au corps, sont seuls exceptés, ceux qui ont de nombreuses cicatrices de variole. Le docteur M fait la remarque, dans le travail qu'il publia sur ces revaccinations, que les résultats obtenus dans l'armée wurtembergeoise s'accordent à peu près avec ceux obtenus cette même année dans l'armée prussienne. Le gouvernement wurtembergeois ne se borna pas au décret concernant l'armée. Le 26 mars 1833, il publia une ordonnance qui recommande expressément à tous les individus au-dessous de 30 ans, qui ne seraient pas encore vaccinés, et dont la première vaccine daterait de plusieurs années, de se faire revacciner, quel que fût l'état de leur cicatrice vaccinale, sous peine d'une condamnation en dommages-intérêts. Par l'omission de la revaccination, il devenait cause de quelques préjudices. En 1851 et 1855, le docteur Dornbluth de Plan, Mecklembourg, après un assez grand nombre d'observations de varioloïdes très graves, qu'il avait recueillies dans différents villages mecklembourgeois, fut un des premiers moteurs et propagateurs de la revaccination. Dans le journal Uffland Supplément F, 1851, il rend compte de 234 revaccinations qu'il a pratiquées. Parmi les sujets revaccinés, 4 avaient eu la petite vérole, et en portaient des traces bien incontestables. Il obtint sur ces 4 derniers une vaccine fort belle, très légitime, et qui suivit très régulièrement toutes les phases. Le docteur Dornbluth évite de tirer des conclusions de ces faits, il admet seulement que la vaccine n'est pas infaillible, ce dont il s'était déjà trop assuré lors de l'épidémie de 1851 où il avait été à même de constater des varioloïdes et des varioles sur des sujets de toute âge très bien vaccinés. Nous avons parlé dans la première partie des revaccinations pratiquées dans l'armée russe, observations énormes et qui présentent des résultats encore bien plus caractéristiques que toutes celles que nous venons de citer. Grâce à leur constitution robuste, les Russes avaient eu longtemps l'avantage de résister à l'action du Copox, longtemps cette puissante organisation, brava les funestes conséquences de la vaccine. Ils étaient vaccinés comme toute l'Europe, et leur organisme fonctionnait tout comme Dieu l'avait réglé, ils étaient vaccinés et la variole se produisait régulièrement presque à 16 heures comme si de rien n'était. Mais les efforts consciencieux du gouvernement et des seigneurs ne se lassèrent point, on ordonna de double, même de triple vaccination, on décréta l'amende et la prison contre les parents qui ne se conformeraient pas aux ordres du gouvernement. La plus vigoureuse constitution devait céder, le docteur R.D., de Saint-Pétersbourg, constate avec satisfaction le résultat de cette lutte, il montre le vaccin triomphant enfin, après une troisième inoculation, il raconte cette victoire dans le journal Uffland, pour plus de sécurité, on avait, comme nous l'avons vu, vaccinés indistinctement, même les soldats qui avaient eu la petite vérole, même ceux qui emportaient les traces les plus incontestables et les plus profondes. Jamais la revaccination n'avait été pratiquée sur une plus vaste échelle, jamais l'observation n'avait été sous tous les rapports plus complète ni mieux caractérisée. De tous ces faits, disons-le en passant, on a déduit l'observation statistique suivante des âges où les sujets vaccinés sont le plus particulièrement susceptibles d'être affectés de variole, rare, au-dessous de 12 ans, de 15 à 20 ans elle devient de plus en plus fréquente et intense, de la 23e à la 30e année, la proportion reste à peu près constante, puis elle diminue graduellement d'année en année. Grégory fait à ce sujet la réflexion suivante, il semble, dit-il, qu'il existe quelque chose de particulier dans la constitution qui la rend plus apte à subir la contagion variolique. Ce quelque chose est tout simplement l'action du vaccin qui faiblit, les tissus de la peau qui se relâchent, la nature qui reprend ses droits. Nous n'avons pas besoin d'insister sur les dangers que présente la revaccination, ces dangers ne sont ni moindres, ni plus grands que ceux de la première vaccination. Outre les conséquences immédiates de l'opération qui doivent être toujours les mêmes, la seconde comme la première fois, la revaccination vient simplement renouveler une action nuisible qui s'épuisait, resserrer encore une fois la peau qui se relâchait, en un mot recommencer une nouvelle période de répercussion. Nous avons fait toute l'histoire de la vaccine, nous avons vu comment cette découverte, grâce à un enthousiasme qui fut calculé presque dès les premiers jours, est arrivée à prendre place dans la loi de tous les pays, nous avons vu en présence, d'un côté la raison et les faits, de l'autre le parti pris de certains entêtements, surtout de certains intérêts. Nous avons vu les théories fantastiques, les interprétations, les fables, et toujours et partout les mécontes, qui n'ont jamais découragé l'opiniâtreté des propagateurs, ni la naïve crédulité des victimes. Nous avons suivi les vaccinateurs dans le détail de toutes leurs manœuvres, qui se résument en quatre grandes évolutions. Ils ont d'abord nié les varioles après vaccine, niant soit la qualité de la variole, soit la qualité de la vaccine, puis ils ont inventé la varioloïde, puis la nouvelle aptitude à la variole, puis, l'effet se multipliant à étourdir toute leur assurance, ils dirent que le vaccin était fatigué. Et ils le régénérèrent. Pendant cette longue période, le public crut successivement à la fausse vaccine, à la fausse variole, à la nouvelle aptitude, au vaccin fatigué, au vaccin régénéré. Toujours éclairé par les faits, et retrouvant toujours son ingénuité pour accepter les explications des vaccinateurs, le public écouta encore quand on lui avoua que la vaccine n'avait qu'une action temporaire, et qu'il fallait renouveler cette action. Il ne songea pas à répondre, mais alors le vaccin ne détruit donc pas la variole, et s'il ne la détruit pas, que fait-il? Il l'enferme. D'ailleurs, cette fois, on employa d'ensemble tous les procédés qui avaient servi à chaque crise de l'histoire de la vaccine, on reparla en même temps de fausses vaccines, de nouvelles aptitudes, de bons et de mauvais copox, la situation était extrême, on fit feu de toutes pièces, le public ne répliqua pas, et le principe de la revaccination fut admis partout. Depuis 18 ans, la question n'a pas fait un pas, aujourd'hui nous en sommes encore à la revaccination. Les résultats sont toujours les mêmes, après la revaccination comme après la simple vaccination, les observations sont exactement pareilles, mais il semble que sur ce point, l'opinion publique soit domptée, on ne songe plus à contester le vaccin, quand la petite vérole se produit en dépit du copox, on ne s'en prend qu'à la petite vérole, et on revaccine machinalement. Toutefois il est temps de chasser toute illusion, de bien voir enfin que la petite vérole est un fait spontané, une épuration naturelle et indispensable, que par conséquent elle ne peut être ni supprimée, ni même circonscrite. Si elle eût été une maladie, il est évident que grâce aux efforts multipliés, et surtout produits avec la simultanéité, l'unité la plus louable par toutes les populations, et par tous les gouvernements, il est évident que cette maladie, bien isolée d'abord, eût bientôt disparu tout comme a disparu la lèpre. Il n'y a pas bien longtemps encore, M. Bousquet écrivait, non seulement la vaccine prend la place de la petite vérole, mais en épuisant l'aptitude de l'organisation, elle la met dans l'impuissance de se reproduire, de sorte que si les hommes avaient la sagesse de s'entendre, de se liguer contre l'ennemi commun, ils disparaîtraient de la terre. Les hommes ont eu assez longtemps cette sagesse, et l'ennemi n'a pas disparu. Maintenant donc, à la dernière page de l'histoire de la vaccine, nous avons le triste spectacle des conséquences de ces entraves imposées à l'action de la nature, et à l'égard de la variole elle-même, les conditions sont absolument pareilles, c'est-à-dire que malgré le vaccin régénéré, malgré la revaccination, la variole se produit toujours, et certes ne disparaîtra jamais. Nonobstant le rêve et la promesse des vaccinateurs. Nous ne dirons pas, le comité de vaccine le rêve et le promet encore, le comité ne rêve, ne dit plus rien, il conserve, voilà tout, en sommeillant, comme on conserve une bibliothèque ou des archives, heureux de ne plus être appelé sur la brèche, il ne cherche point le progrès, il ne veut point envahir, il ne demande que l'inamovibilité. À nos lecteurs de juger maintenant, si l'on doit respecter cette quiétude. Note, les conséquences immédiates de l'opération, quoique moins graves en réalité, et d'une moindre portée que les conséquences médiates, dont nous avons donné la démonstration dans tout le cours de ce livre, mérite cependant d'être mentionné. Il est parfaitement reconnu, par exemple, que maintes fois des principes délétères ont été inoculés et se sont développés au lieu et place du vaccin. Combien de cas d'inflammation du bras avec engorgement des ganglions axillaires, que d'abcès, que d'ulcères de mauvaise nature, ont été la suite de la vaccination. Combien n'a-t-on pas compté d'enfants morts dans les convulsions quelques jours après l'insertion du virus? Quel est le praticien qui, dans le cours de sa carrière, n'a pas été à même de constater et de déplorer ce triste dénouement? D'autres fois, ce sont des engorgements ganglionnaires sous-maxillaires, qui surviennent 7 ou 8 jours après l'inoculation du vaccin. L'action du vaccin sur la circulation lymphatique a même souvent lieu dans un espace de temps beaucoup plus court. Un autre accident est encore souvent à redouter. Outre ces engorgements, on voit souvent, et Gené lui-même en cite le premier plusieurs observations, on voit le bouton vaccinal s'étendre, se caver, et se convertir en un véritable ulcère rongeant dont l'irritation produit un gonflement inflammatoire tellement grave qu'il s'étend quelquefois au cou, à la face, et se termine enfin en véritable érysipèle. Le docteur Husson, l'un des premiers secrétaires du comité de vaccine, est certes le plus intraitable, lui qui n'a jamais voulu avouer un seul cas de variole après vaccine, reconnaît cependant avoir rencontré des accidents de ce genre. Voici ce qu'il rapporte à ce sujet dans son traité de vaccine. J'ai vu des ulcères très inquiétants produits par la vaccine. D'abord, la rougeur fut très vive. La chaleur forte, le gonflement et la dureté du bras considérable, la fièvre s'alluma. Les ulcères au bout du sixième jour étaient recouverts d'une escarre gangréneuse qui s'enfonçait dans l'épaisseur du bras et qui ne se détacha qu'au bout d'un mois. Il sortait de ses bords une sérosité âcre, fétide, qui entretenait l'irritation des parties voisines. Monsieur Husson signale encore un autre genre d'accident qui se produit assez fréquemment. Il arrive souvent, dit-il, que l'aréole qui circonscrit le bouton vaccin occupe une très grande étendue, que la peau qui en est le siège prend une densité considérable et s'élève au-dessus du niveau du membre. Cet état inflammatoire de la peau, qui ressemble beaucoup à un érysipèle phlegmoneux, pénètre dans le tissu cellulaire, forme dans les diverses parties de son trajet des centres d'engorgement particuliers, isolés du bouton vaccin, il établit depuis la pustule jusqu'à l'aisselle, une chaîne non interrompue dans la direction de laquelle se propage quelquefois une douleur très vive au toucher. Cette inflammation suit dans sa marche la disposition anatomique de la poche cellulaire qui environne le bras, y détermine une chaleur très vive, les mouvements du membre sont gênés, la peau est tendue, et le vacciné a un fort mouvement de fièvre, souvent aussi beaucoup de douleur et d'engorgement dans les glandes submaxillaires. Souvent cette auréole érysipélateuse se couvre de petits boutons qui ne viennent point en suppuration, et qui disparaissent avec l'érysipèle. J'ai vu cette érysipèle se propager sur le dos et la poitrine, et le docteur Audier dit que chez un de ces malades, il s'est non seulement étendu sur la totalité du bras, mais qu'il a gagné le cou et le visage au point de fermer l'œil, et de produire une forte fièvre. Monsieur Husson cite encore deux observations de ce genre recueillies par Monsieur Blanc, chirurgien à New York. Dans ces deux cas, l'affection fut tellement grave qu'elle entraîna la mort des deux enfants vaccinés.